what is best in life. Crush your enemies, see them driven before you, hear the lamentation of the women. Parfois tu sais que la vie est triste, souvent elle laisse place aux cicatrices. Mais à Saïd, cette ville fleurie, les jeunes ont bien compris que réunit la vie. Leur sourire et le bonheur s'installe à la place de leurs soucis. Si je débute mes cases dédiées pour le quartier ED, quartier de Marseillais, peine que mes extras. Joey, c'est quand tu veux pour venir rapper. Moema, t'ouvre ses bras. Cano, à la lèvre ou whisky, c'est quand tu veux l'ami. Cavani, Zidane, football toujours, la même rage de Gann. Momo, mon compère, mon complice, sous MIC, tu décharges archives, tes CD. Car je suis sûr qu'un jour, dans le top 10 du rap français, tu seras placé. Kéké ton fils, bon sang bien chien car je suis le parrain. Je te promets il sera gâté comme personne ne l'a jamais été. Pierrot, à Counter c'est une terreur. Cherche pas AK-47 ou au couteau il te fait trop peur. Menu ok je le reconnais. Au volant je suis plus lent mais au McDo je suis tout en haut. Gore, tapis dans le 6-2-8-4-0 c'est parcours. Merger musclore, Carlton la muscu le connaît bientôt. 150 kilos développé couché. Si sort la KTM en cas de problème. L'artiste Pity va sortir les bombes de peinture. Et sur les murs du CH j'ai un graphé Moema qui représentera Auction Homo 6-2-8-4-0. J'oublie surtout pas Yuri animateur du CHJ mais aussi plus grand pas pour ça. Racine, deuxième tour. On n'est pas là pour te jouer un mauvais tour. De jour en jour, je grandis et je m'aperçois que la vie c'est comme dans un livre. Ouvre la page, ne reviens pas en arrière. Car derrière c'est le passé, beaucoup l'ont oublié. Pense au futur, à ta prochaine voiture. Mets ta ceinture, Oxy prend le volant pour le deuxième tour. Vendredi soir, tu sais pas où on est. Pourtant, nous le lagon bleu, on connaît. Carré VIP, Oxy, vers de Sky. Je suis parti pour freestyle. C'est Momo qui reprend le micro pour le 6-2-8-4-0. Dédicace au poteau, je représente Saï avec Oxy. Dédicace pour Sissi. Petite envie de voir le graphe MOMA, CAJ. C'est nos racines, deuxième tour pour les jeunes de Saï. C'est une tuerie à vous, sinon t'es un pur jaloux à qui je vais mettre des coups. Pas un de star à côté, pas un de jouer les gangsters. Je m'investis dans Pura et c'est comme ça que j'ai mes affaires. Saï de ZY. C'est Moema Production, on s'envole pour la nouvelle résurrection. Quand même Moema Production rap, ça sent la démonstration. Moema Production, ajoute dans ta collection. Moema Production, pas des mauvais garçons. Tous des jeunes faire de leur région. Moema Production, passe au deuxième tour. Toujours du son lourd. JB, je te remercie pour le site que tu as fait. C'est Moema, de que mais toujours au P pour représenter. Plus un de se présenter, on est en train de percer dans le milieu du RAP. Et ça, tu pourras pas nous stopper. Petite parole pour le Claude après voter. Mon quartier va pas tester, sinon on va te défoncer. Jouer comme Oxinati, c'est quand tu veux pour rapper avec la MOMA. T'inquiète, t'entends, tu les dédicaces. C'est Momo, l'as des as, qui dédicace pas des pétasses. Dans 6-2-8-4-0, on est anti-facho. Pas de pitié pour toi, t'as de peine. Un coup de patate, je l'enchaîne. On est là pour représenter, ça y est sur la liste. 62-840, deuxième tour. T'as pas d'issue de secours, avoue que c'est du lourd. MOMA prod, ça va vers le top des tops. Alors ferme ta gueule, salope. Si tu nous aimes pas, écoute pas et ferme-la. C'est original, MOMA, c'est pas du mytho. C'est deuxième tour, nos racines. Bientôt le clip avec les jeunes de Saïd.